CIFOU 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Du studio 1 de 1 du 89.1, c'est pas mal, c'est fou! Bonjour et bienvenue au Palmarès, c'est fou pour la semaine du 6 au 12 février 2017. Je m'appelle Mathieu Plante. Tania Baudin, qui devait être de retour cette semaine, n'est pas là encore. Elle va être de retour parmi nous la semaine prochaine. Elle n'était pas disponible pour animer l'émission d'aujourd'hui, mais c'est pas grave, on va passer 3 heures ensemble à écouter la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. Oui, oui, oui, oui. On a top 20 francophone, top 20 anglophone à s'entendre, ainsi que la chronique C'était fou, ainsi que... C'est du deux fois ainsi que, hein? Et la chronique ailleurs dans les palmarès. Nos numéros de la semaine passée en francophone, c'était Paupières avec Rax sur l'album L'amour fait peau neuve. Alors qu'en anglophone, eh ben, c'était Carmen Needs to Come Around de Duo Tang sur l'album New Occupation. On va savoir si c'est toujours au sommet d'ici 3 heures environ, un petit peu moins de 3 heures. Mais avant de se rendre au sommet, il faut commencer par le commencement, la portion New Shit de l'émission. Plus tard, on entendra la conversion des sauvages, les Delaware Chuck. On a Cold Folks. Pardon, Johnny Two Fingers et and the Deformities, Timber Timber, Japan Joys, The Pretty Reckless ainsi que Elephant Stone. Mais on va commencer avec une nouvelle entrée en 20e place francophone. Voici Ripé et Je t'ai vu. Au 89 FM, c'est les palmarès, c'est fou! What?

The Brothers Eagles, c'est Back to the River, nouvelle entrée en 19e place anglophone sur l'album Who You Selling For. C'est un retour pour The Pretty Reckless. Avant, leur pièce était Oh My God. Avant ça, on a entendu les Delaware Chuck, aussi un retour. La pièce s'appelle Lemmy sur l'album Des Avantages Numériques. Avant ça, on a entendu en 20e place anglophone Elephant Stone, aussi un retour. La pièce s'appelle Manipulator sur l'album Ship of Fools. Leur précédent extrait était See the Light. Et on a débuté avec Ripley qui est aussi de retour. Oui, c'est une tradition aujourd'hui. Je sais pas trop, on dirait que tout le monde est de retour pour le fun. Sur le maxi, Ripley Rock le Québec, c'est la pièce Je t'ai vu. Leur précédente pièce à Ripley, c'était là, celle qui nous tapait tellement ses nerfs. Nouveau téléphone. On l'entendra plus. Nouveau téléphone. maintenant, on est rendu à d'autres nouvelles entrées. Enfin, il nous en reste encore plusieurs. Il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 5. Quand même pas mal. Plus tard, on aura Timber Timber ainsi que Japan Droids. Mais on débute avec la dernière nouvelle entrée du côté francophone. C'est La Conversion des Sauvages. Ça, c'est le nom du groupe. Leur album s'appelle aussi La Conversion des Sauvages et leur pièce est Jappe le Chien. Alors, c'est fou! 89.1 FM. Mon guide, c'est belle entrée. Visitez cifou.ca. nouvelle entrée. Par Timber Timber sur l'album Sincerely Future Pollution, la nouvelle entrée en 17e place anglophone. Avant ça, on a entendu Japan Droids avec Near to the Wild Heart of Life. C'est la pièce titre de leur plus récent album, position numéro 18, donc anglophone. Et avant ça, en francophone, c'était La Conversion des Sauvages. Ça, c'est le nom du groupe avec la pièce Jap le Chien. On a sauté par-dessus Clopel Gag en 17e position parce qu'elle n'est pas nouvelle. En fait, elle est très très vieille, 8 semaines pour les Férofumés de Fleurs. Il nous reste deux nouvelles entrées. Elles sont toutes les deux du côté anglophone. Donc, on va sauter en francophone par-dessus les 16 et 15. En 16e, c'est Quebec Redneck Bluegrass Project avec Bien-être Tour. Et en 15e, c'est Volvets avec La Mort. En anglophone, plus tard, il y aura Cold Folks avec la pièce Jelly Roll. Mais on débute avec un groupe qui porte un drôle de nom, Jolly Two Fingers and the Deformities. Voici King of the Underground tout de suite. C'est fou. Entrée. Down, down, down. Well, you jelly roll my leaf. Une chanson à répondre dans les palmes à C'est fou, c'était Cold Folks avec Jelly Roll, la dernière nouvelle entrée en anglophone. C'est la position numéro 15 sur l'album qui s'appelle Descendre en haut. Mm-hmm. Alors, on a donc terminé les nouvelles entrées, ce qui veut dire qu'on doit sauter par-dessus plein de choses. C'est comme ça. En anglophone, oui, on va sauter par-dessus Jesse Brown en 13e avec la pièce Debt. Qu'est-ce que j'ai pas mentionné jusqu'à maintenant en francophone? Je crois que j'ai pas mentionné qu'on sautait par-dessus Bien-être. Oui, on l'a dit. C'est vrai, et va vite avec la marche. Je me rappelle d'en avoir parlé tantôt. Donc, on va entendre plus tard Ludovic Alary ainsi que Wilfred and the Grown Men. Mais on va commencer avec Chocolat. C'est bien ça? Oui, Chocolat. Exactement. Avec la pièce Loulou qu'on écoute à l'instant. Et ça, ben, c'est pas mal les palmarès, c'est fou. Hein? Je dirais que Chocolat, ça ne jouera pas ma meilleure. Malheureusement, c'est comme ça. Eh oui. Understand why I I'll never understand why, why. No, I'll never understand why. c'était Ludovic Allary, la pièce L'appartement qui monte de la 18e à la 13e. C'était une nouvelle entrée la semaine passée. Avant, c'était Wilfred and the Grown Man avec I'll Never Understand Why qui monte de 3 places. C'était nouveau aussi la semaine passée sur l'album Passing Through. Et on a débuté avec Chocolat et Loulou qui monte de la 19e. Et c'était nouveau la semaine passée, ça aussi, sur l'album Rencontrer Loulou. Maintenant, on saute par-dessus les positions numéro 12. Jean-Philippe avec Blanchard, qui est là depuis 5 semaines en franco. Et Heat, qui est là depuis la semaine passée seulement avec Lush. C'est elle qui a la priorité si on a du temps à la fin. On y va avec les 11e. Tout à l'heure, The Darcy's avec Coming Up For Air. Mais tout de suite, Michello. Et tu souris pour lui plaire ou lui montrer des dents. Mon palmarès, c'est fou. 85 ans. Your lungs and close your eyes and let the trepidation yourself do. Oh, sit the weight off and let yourself go. Position 11, qui monte de 7 places. Nouvelle entrée de la semaine passée sur l'album Centerfold. Ça a parcouru la moitié du palmarès. Avant ça, on a entendu Michel O et Tu souris pour les plaire ou encore pour lui montrer les dents. Qui monte de 6 places, c'était aussi nouveau la semaine passée. C'est la fin de la première heure. On se retrouve pour une deuxième dans quelques instants avec les positions 10 à 6. Restez avec nous. FM 89.1 FM. Deuxième heure des palmarès, c'est fou pour la semaine du 6 au 12 février 2017. Je m'appelle Mathieu Plante. Tania Bonnet devrait être de retour la semaine prochaine. Elle me l'a promis sur Facebook tantôt qu'elle va être de retour la semaine prochaine. Donc, c'est la portion top 10 de l'émission où on parcourt les positions 10 à 6. Il y a aussi dans cette heure la section « C'était fou ». Ça s'en vient plus tard. On va retourner en 2012. Donc, 10e place pour commencer. Tout à l'heure, il y aura Ostra avec Utopia qui monte lui aussi pas mal de la moitié du palmarès. C'était en 19e place, nouvelle entrée la semaine passée. Mais tout de suite en francophone, 3e semaine de présence. Montée de 4 places pour J'écoule. Voici à la plage dans les palmarès, c'est fou. Yeah. Tiens-toi sur le calorifère. survivre à l'hiver. Tu t'en vas hiberner dans le métro, puis ce sera ta tanière. Stop. c'était The Back 80 avec Fair Enough qui monte d'une place en devient anglophone. Avant ça, c'était Chasse pareille et Berceuse pour les oiseaux d'hiver qui monte de deux places. Avant les dixièmes places qu'on a entendues en anglophone, on parle de Astra avec Utopia qui monte de neuf places. C'était nouveau la semaine passée. Et on a débuté avec Jet Cool ou Jet Cool avec À la plage qui monte de quatre places. Troisième semaine de présence pour Jet Cool. Maintenant, on est rendu aux huitièmes places. Donc, on arrive au point de sauvegarde au milieu de l'émission. C'est comme ça. Donc, du côté anglophone, ce sera Bronco avec Falling Free qui monte de une, mais on débute avec Peter qui monte de la 20e place. C'était nouveau la semaine passée. Ce n'est pas un rêve, non, c'est bien réel. Bien réel au palmarès, c'est fou. 89 FM. J'ai retrouvé sous mes angles de la terre celle d'un endroit où je n'ai jamais été. Elle prend la forme d'une spirale. Plus je la fixe, plus je sens qu'elle m'avale. C'est alors que je me laisse tomber, puis me réveille dans un lit drapé d'or. Le plafond est étoile, le sol jardin. Des cascades dans mes cheveux se frettent au chemin. C'est un royaume où règne la musique et le silence. Il me fut entièrement légué, oui, je pense. J'imagine que c'est bien réel. J'imagine que c'est

I'll put on a performance. I'll put on a show. It is a performance. I do it a whole song. You won't see me hurting when my heart it breaks. I'll put on a performance. I'll put on a brave face. Even when I was hiding, you could always find. C'est la pièce Performance en position numéro 7 qui monte d'une place en anglophone, et avant ça, Gab Paquet avec Diamant qui monte de 3 places en 7e franco. Tout à l'heure, les 6e places, c'est-à-dire Yoko Feu et Tassio Menci, mais avant ça, c'était fou! Voici, on tourne dans la semaine du 6 au 12 février 2012. Des paroles qui chantent sur le moment. Essayer de chanter et encore à s'en défoncer les. pour Hilton. This is the last time I will follow you. This is the last time I will follow you at all. 'Cause woman, you're my trouble, and woman, I've been trouble and despair. My only care is standing and waiting when you're out there. The wind comes down. C'était la capsule C'était fou pour la semaine du 6 au 12 février 2012. On a débuté avec le numéro 1 francophone de cette semaine-là. On a créé un monstre avec 5.0 sur l'album Iceberg. Après ça, c'était Ostra qui vient de faire son retour dans nos palmarès en ce moment en direct là, avec leur nouvelle pièce qui s'appelle Utopia. Mais à l'époque, c'était The Choke sur l'album Feel It Break. Et ma pièce bonus que j'ai choisie à la main de Cat Empire avec Waiting sur l'album Cinema. Dans cette même semaine, du 6 au 12 février, on avait aussi Mauve, on avait Marie-Pierre Arthur, les Breastfeeders, Malajub, les Delaware Chuck, Galaxy, Bravo Funken, Salomé Leclerc, les Cowboys Fringants, Cœur de Pirate, et plein d'autres choses, Gasoline, Sago, entre autres. En anglophone, on avait Library Voices, on avait The Bar Brothers, The Pack 80, The Kooks, Jane's Addiction, Tom Waits, The Darcy's, Duchess Says, Steve Hill, Elliot Brown, Los Campesinos, Plants and Animals et Highlands. Il y avait beaucoup, beaucoup de très grands noms dans ces palmarès-là pour la semaine du 6 au 12 février 2012. Voilà, vous pouvez retrouver le lien sur assemblagerequis.com. Il nous reste juste assez de temps pour retourner à notre période du 6 au 12 février 2017. On va sauter malheureusement par-dessus Tassio Mancy avec Do Easy qui monte d'une place, mais on a le temps pour Yoko Feu que voici. Ça monte de la 13e place. La pièce s'appelle Exil. Tout de suite. C'est les palmarès. Comme des balles à blanc. départ de leur voiture nous ont pris par surprise. Ça s'arrête à l'instant. Leurs fusils pointus s'enfoncent dans nos coups. À tout prix, résister, va falloir sauter. Yoko Feu, la pièce Exil qui monte de la 13e à la 6e place, 4e semaine de présence. L'album, c'est Enfants Sauvages. On a sauté, comme j'ai dit tantôt, par le Sutation Mancy avec Do Easy qui monte d'une seule place, donc en 6e position anglophone. C'est la fin de la 2e heure. On se retrouve avec une 3e dans quelques instants. Les positions 5 à 1. On va savoir si Paupières et Duotang sont toujours au sommet. Et voilà, c'est fou son retour après la pause. Du 6 au 12 février 2017. Je m'appelle Mathieu Plante. Tania Baudin va être de retour la semaine prochaine. C'est pas mal presque officiel, on verra. Mais la semaine prochaine, Tania, soyez-y. Ah, c'est la 3e heure de l'émission, donc la portion top 5. On va entendre les pièces 5, 4, 3, 1 de chaque côté. On a aussi le segment ailleurs dans les palmarès qui s'en vient. J'ai dit tantôt, mais le numéro 1 de la semaine passée en francophone, c'était Paupières avec Rex. Et en anglophone, c'était Duotang avec Carmenies to Come Around. On va savoir très, très, très, très, très bientôt si c'est toujours au sommet. Mais avant ça, les 5e places en anglophone, Hushtrapeze avec Thinking, Stop Thinking qui monte d'une place. Et tout de suite, ça monte de deux. Voici De la Reine et L'Impérative avec un très, très, très, très, très, très long et redondant début. Ça, là, pendant genre beaucoup trop, gars. Regarde, continue encore. Plip, plip, plip, plip, plip, boup, boup, boup, boup. C'est pas mal, c'est fou. C'est pas encore fini. Là. Je pourrais parler longtemps encore. J'ai rien à dire. Ah, voilà. Je voulais fermer mon micro, tu sais. J'ai fermé le CD. C'était drôle quand même. C'est cute, les erreurs. Yeah. Face to face, it was the razor sharp wit put you in your place. But the wind Duo Tang qui ferme ce bloc de 4 pièces. On vient d'entendre Carmen Needs to Come Around, l'ancien numéro 1 du côté anglophone qui descend de 3 places. Même chose en francophone. Par contre, non, c'est la même chose exactement. Ça descend vraiment de 3 places aussi. Paupière avec Rex. Avançant en 5e place, Ostropies avec Thinking Stop Thinking qui monte d'une place. Et on a débuté avec De la Reine et L'Impératif qui monte de 2 places. Rendu dans le top 3, déjà, il nous reste une quarantaine de minutes à l'émission. Donc en anglophone, il y aura New Fries avec Jay-Z qui monte de 2 places. Et Autruche est en francophone et ça débute ça avec Chouchou la molle tout de suite au palmarès. C'est fou. Hey, c'est cool ça. Ouais, je sais. Quand ça va bien, j'ai une autruche. Apparemment que c'est pas correct quand j'entends des voix qui me disent quoi faire. Je me laisserai. Je chante, je t'écoute pas. Et moi, ça coûte un bras car ça me prend dans le manche. Plus que les chansons commencent à se branler. Chou-chou, c'est vous qui parlez. Chou-chou, je capote pour la crèche. Chou-chou, on vient d'entendre. Chou-chou, ça aide à chanter. C'était New Fries et Jay-Z qui montent de deux places en troisième position anglophone. Avant ça, en francophone, eh ben, c'était Autruche avec Chouchou la Molle. Eh ben oui. Maintenant, dans la deuxième position, c'est là qu'on est rendu. En anglophone, il y aura Diana avec What You Got qui monte d'une place. En francophone, Mary Davidson. Juste après, on va entendre une pièce du top 30 des albums dans la section ailleurs dans les palmarès. Mais pour l'instant, voici la susmentionnée Mary Davidson qui monte d'une place avec Adieu au Dance Floor. Ça commence tout de suite au palmarès. C'est fou. Allez danser, prier, crever What You Get par Diana, la position numéro 2 qui monte une place en anglophone. Et avant, c'était Mary Davidson et Adieu Dance Floor qui monte de 2 places sur l'album qui s'appelle aussi Adieu Dance Floor. Maintenant, voici Ailleurs dans les palmarès. Ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, c'est ailleurs dans les palmarès. Ailleurs dans les palmarès, c'est la section qui existe parce que les palmarès, c'est plus que seulement. Les palmarès, c'est plus, c'est comme musique plus, mais c'est plus. Hein? C'est plus que seulement un top 20 francophone et un top 20 anglophone. C'est aussi un top 30 des albums, un top 3 des Canadiens, un top 10 loud et un top 5 musique du monde. Commençons par le top 30 des albums. 3 nouvelles entrées pour commencer en 30e place. Kid Koala featuring Emiliana Torrini avec Music to Draw To, 2 points, Satellite. Ensuite, les deux autres, on les a déjà entendus plus tôt dans l'émission. En 17e, Jap and Droid, leur album Near to the Wild Heart of Life. Et en 16e, Jolly Two Fingers and the Deformities avec Mick Millen's Sister. Dans le top 3 des, le top 3 des albums, c'est Tania qui fait ça d'habitude, donc je vais sauter. Hein. 3e place, New Fries avec More, c'est le nom de l'album. En 2e, c'est Diana avec Familiar Touch. On garde le numéro 1 secret parce que c'est le même numéro 1 que dans le top anglo. Dans le top 3 des disques canadiens, maintenant en 3e place, c'est encore New Fries avec More. Et en 2e, Diana avec Familiar Touch. Dans le top 10 Loud, il y a 4 nouvelles entrées. En 10e place, Armored Saint avec l'album Carpe Noctum. En 9e, Striker avec Striker. En 4e place, Gravedigger avec Healed by Metal. Et l'autre nouvelle entrée est en 2e place, donc faisons le top 3. En 3e place, stable, c'est Testament avec Brotherhood of the Snake. En 2e, nouvelle entrée pour Creator et Gods of Violence. Et en première place, c'est stable, 3e semaine de présence pour Sepultura et Machine Messiah. Dans le top 5 Musique du Monde, 2 nouvelles entrées en 5e et 4e, donc on va faire le top 5 au complet. En 5e, c'est la pièce Makushtam MTL par Shawit et So Cold. En 2e, Lafla par Acid Arab featuring Sofiane Saidi. En 3e, ça descend de une, Zamanili de l'artiste Jamala et Dakabraka. En 2e, c'est lancé numéro 1, Starlight de Jorge Martinez. Et en 3e place, ça monte de une, c'est Tammy Crest avec Waynen Adobat. Voilà. J'ai choisi comme extrait quelque chose du top 30 des albums et c'est la nouvelle entrée qu'on n'a pas encore entendue, celle de Kid Koala featuring Emiliana Torrini sur l'album Music to Draw To, 2 points, Satellite. On écoute la pièce Collapser tout de suite ailleurs dans les palmarès. Through the fear. La pièce Cobser par Kid Koala featuring Emiliana Torrini sur l'album Music to Draw To 2. Satellite, la poursuite numéro 30 du top 30 des albums des Palmarès C'est Fou. Il nous reste seulement les positions numéro 1 à entendre. Ben oui, on était déjà arrivé à la fin de même. Il nous reste à peine une quinzaine de minutes. Donc allons-y avec du côté anglophone, The Evaporators, avec I Can't Be Shaved, qui monte d'une place. C'est notre gagnant en anglophone. Et en francophone, ça monte de 2. Voici Laura Babin et Water Buffalo. Les numéro 1 de cette semaine. Au palmarès, c'est fou. Position. Take away that blade, I can't be shaved. c'était les premières positions pour la semaine du 6 au 12 février 2017 des Palmarès C'est Fou. On vient entendre The Evaporators avec I Can't Be Shaved qui monte d'une place. Et avant, c'était Laura Babin en francophone avec Water Buffalo qui monte de deux places. Voilà, c'est tout. Elle reste encore quelques minutes, par contre, donc on a le temps de retourner en arrière avant de se quitter. Allons entendre une pièce qui est en 12e position anglophone. Ça montait de la 20e place et j'avais dit qu'elle avait la priorité parce qu'elle était nouvelle la semaine passée. Voici Lush de Heat tout de suite au Palmarès C'est Fou. Et on vient pour se dire au revoir juste après. C'était Heat avec Lush qu'on avait sauté précédemment en 12e place anglophone. C'était nouveau la semaine passée en 20e place. Voilà, c'est là-dessus que se terminent les palmarès C'est fou pour la semaine du 6 au 12 février 2017. On se retrouve en direct la semaine prochaine, toujours les mardis entre 14h et 17h. Après nous, à 19h, il y a réanimation avec du métal et de l'horreur. Et à 21h, c'est matière noire avec du métal progressif. On repasse le vendredi soir à 17h, c'est la même chose. Après nous, réanimation à 20h et matière noire à 22h. Et finalement, le samedi, entre midi et 15h, restez à l'écoute. C'est.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com, puis les notes de l'émission, les balados de diffusion. Tania Baudin va être de retour la semaine prochaine. Moi, c'était Mathieu Plante. C'était génial de passer un bout de temps avec vous. Un bon petit 3 heures où on a pu savourer de la bonne musique jusqu'à la dernière seconde. Et justement, ben, on va pouvoir se quitter avec une autre pièce. Question de savourer ça une dernière fois, une dernière pièce pour la route. C'est la position numéro 15, francophone, Vulvette. Oui, qui descend de la 6e avec La Mort. C'est probablement sa dernière semaine ou dans le coin. Donc, Vulvette, profitez-en pour que ça dure. À la semaine prochaine. Bye bye.